OK, donc je suis bien content d'être parmi vous, encore une fois, ce matin. Et vous me pardonnerez si j'oublie vos noms, si je vous reconnais pas, si je vous demande, c'est la première fois que je vous vois. Et je mets ça sur le dos de l'ange. C'est l'ange. Donc, je suis content d'être avec vous, encore une fois, et on va continuer ensemble, notre petite série d'études sur la prière. Et je suis certain que je ne vais pas tout dire ce qu'il y a à dire sur la prière en 3 heures. Ce serait fou de penser qu'on peut faire le tour de la doctrine de la prière en 3 heures, mais on va essayer de mettre quelques bases sur ce sujet-là. Ce sujet-là, comme je l'ai dit la dernière fois, tellement simple et en même temps tellement compliqué. Et on va essayer de trouver des points de repère pour vous aider, et j'espère que ce que je vais vous dire va susciter en vous un désir d'aller plus loin, un désir d'en savoir plus. Ça va piquer votre curiosité pour dire, « Oups, ça ne m'a jamais passé comme ça, peut-être que je cherchais à continuer à découvrir sur le sujet de la prière. » J'espère que vous êtes de ceux, comme moi, qui vous dites, honnêtement, sincèrement, j'ai bien du chemin à faire dans ma vie de prière. Si vous pensez que vous savez prier, ça va rester statu quo pour vous autres. Mais si vous vous dites en vous-même, je ne sais pas vraiment comment prier et j'aimerais apprendre encore à prier, j'aimerais développer ma compréhension de la prière, bien, je crois qu'on est dans le même bateau dans ce sens-là. J'écoutais une série d'études de M. Carson, peut-être qu'il y en a qui sont allés être allés m'entendre dire son nom, puis il disait dans sa prière, dans sa série sur la prière, ou quelques études que j'ai étudiées, il y avait, son titre c'était « Prier sur la même longueur d'onde de Dieu », je traduis là. « So pray in line with the mind of God ». Prier en ligne avec la pensée de Dieu. Il dit, notre problème, c'est qu'on veut que Dieu s'enligne avec nos pensées. Puis il dit, c'est pas ça. C'est nous qui devons s'aligner sur ses pensées, sur sa façon de voir les choses. J'aimerais juste vous lire quelques versets, et ensuite on va prier. C'est Daniel qui écrit cela. Écoutez bien ça. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons notre prière ou nos prières, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi. Ça, on n'entend pas ça assez, je dirais, dans nos vies de prière. Si ce que je te demande d'écouter ma prière, si je te demande de répondre à ma prière, c'est par amour pour toi. Par amour pour toi. Il n'était pas en train de se soucier de lui, il ne se souciait pas du peuple de Dieu premièrement, mais il se souciait de Dieu dans sa vie de prière. Et que ça fait différent des fois de ce que nous on vit en tant que chrétiens. On voudrait que Dieu se soucie de nos vies, de nos problèmes, de nos difficultés, de nos maladies, de nos tribulations, de nos difficultés, mais Daniel est dans un moment très difficile du peuple de Dieu, mais il dit, si je prie et je te demande de répondre à ma prière, c'est pas pour nous, c'est pour ton nom, c'est pour ta gloire, c'est pour ton amour, c'est que ton nom soit glorifié. Et je pourrais vous dire avec, sans trop me tromper, Dieu a répondu à sa prière. Dieu a répondu à sa prière. Daniel 9, verset 18, 19, 20, je pense, quelque chose de même, là. Oui, 17, 18, 19. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons s'arrêter pendant quelques minutes pour regarder à ta parole, parce que c'est le seul moyen que nous avons de connaître ta pensée. C'est le seul livre que nous avons pour trouver ce que tu as dit, ce que tu as fait connaître à ton peuple. Que ton esprit puisse nous diriger, que ton esprit puisse nous illuminer et nous convaincre de toutes les vérités que nous allons regarder ensemble. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. La dernière fois, j'étais avec vous autres, je vous avais partagé qu'est-ce qui m'avait poussé à remettre en question ma vie de prière. Je vous ai partagé pourquoi, tout d'un coup, je me suis arrêté, puis je me suis dit, ça marche pas, moi, pour moi, ça marche pas la prière, donc je vais aller refaire mes études, je vais aller retourner dans le Nouveau Testament, et je vais aller voir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Jean, ce que les auteurs ont écrit, pour réévaluer ma vie de prière. Et vous n'étiez pas là quand je l'ai dit le mois passé, demandez à Daniel, puis il va vous mettre en lien avec pour pouvoir l'écouter, parce que ça allait comprendre mieux ce que je vais dire ce matin et dans les deux autres mois, si vous comprenez d'où est-ce que je viens. Parce que quand on ne comprend pas de ce que quelqu'un vient, des fois c'est plus dur de comprendre qu'est-ce qu'il enseigne. Et ce que je vais vous partager dans les trois fois que je vais être avec vous, c'est ce que j'ai découvert dans ces recherches-là. Ce que j'ai vu dedans. Une partie, en tout cas, de ce que j'ai vu. Je crois que c'est peut-être le plus essentiel. Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Ceux qui avaient déjà lu la Bible un peu, vous savez que Matthieu 6, ça se situe dans quoi? Le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne. Et Jésus, dans chapitre 6 et 7, va parler, je pense 5 aussi, 5, 6, 7, puis là, il y a une foule de gens qui vient écouter, et Jésus va les enseigner. On ne sait pas trop combien de temps ça a duré, mais il les enseigne sur toutes sortes de sujets. Et un des sujets qu'il a approché, c'était la prière. Et si vous étudiez l'ensemble du ministère de Jésus, vous allez voir que Jésus a souvent touché dans le peuple d'Israël, dans les gens qui ont côtoyé lui pendant son 3 ans, il touchait des points que lui voulait qu'ils comprennent des choses. Des points qui étaient peut-être pas bien compris par le peuple d'Israël. Et la tendance de l'être humain, c'est de faire les choses pour eux, pour paraître. Pour vous autres, à Val-d'Or, là, même. À Victoriaville, nous autres, c'est comme ça que ça se passe. Je fais quelque chose dans l'intimité, toute seule, mais je m'arrange que ma femme le sache. À un moment donné, quelque part, là. Je vais lui faire sortir un petit quelque chose que j'ai fait. On veut que les gens voient ce qu'on fait. Et Jésus va attaquer ça, si je peux dire le mot, si vous ne trouvez pas trop fort. Dans Matthieu 6, il va attaquer. Parce que les pharisiens et les juifs avaient le même problème que les Québécois en l'an 2009. Ils faisaient les choses pour être vus des hommes. Et 1000 ans avant, Dieu a dit à Samuel, vous autres les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre cœur. C'est votre cœur ce qui m'intéresse. Et ce n'est pas votre apparence. Ce n'est pas votre apparence. Puis Jésus, dans ce passage-là, il va toucher trois domaines, quatre domaines qui revient à la même vérité. Il dit, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ou quand tu donnes ton offrande, ou quand tu fais l'aumône à quelqu'un, fais-le d'une façon telle que personne ne va savoir. Il y a une mission à l'extrême, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. Essayez ça dimanche matin. Essayez ça avant de vous emmener. Sais-tu qu'est-ce que ma main gauche a donné? C'est une façon de parler, hein? On comprend ça. Si votre main gauche ne sait pas ce que votre main droite donne, vous avez un problème avec la main gauche, là, quelque part. Allez voir le médecin. Puis il dit, parce que les Juifs donnaient pour que tout le monde voit. Oh, je me souviens d'un homme que j'ai connu bien comme il faut. Et lui, c'était un homme généreux. Il donnait beaucoup, des milliers de dollars par année, beaucoup, beaucoup donnait. C'était pas un croyant. Mais à chaque Noël, il se mangeait pour que tout le monde le sache qu'il avait donné. Et Jésus a dit quoi? Tu as reçu ta récompense, mon chum. C'est fini. Tu voulais que le monde le sache? Ils l'ont su. C'est fini. Tu n'avais rien d'autre. Des fois, je me dis, en tant que chrétien, j'en ai-tu fait des choses pour que le monde le sache dans l'Église? Et pour Dieu, il dit, ben, Dieu lui dit, Donnette, tu voulais qu'ils sachent? Ils savent. C'est fini. C'est fini. Ils l'ont su. Que si tu veux que je fasse avec ça maintenant, c'est fini. On voulait que les gens sachent. Fait qu'il va toucher ce côté de l'aumône. Ensuite, il va toucher le côté du jeûne. Les, vous savez ce que les Juifs faisaient? Ils se mettaient de la poudre dans la face, puis ils se mettaient « Oh, j'ai jeûné cette semaine, oh, c'était dur! » Puis ils s'amachaient que toute la ville sache qu'ils jeûnaient. J'ai dit, tu voulais que le monde sache que tu jeûnais? Ils le savent. Tu n'avais rien d'autre pour ça. Et un autre domaine qu'on aurait pensé peut-être moins, c'était la prière. Les gens priaient pour être vus des hommes. Ça me surprend plus. Ça me surprend en même temps plus. Parce que la prière, ça devrait peut-être quelque chose entre moi et Dieu. Mais pourtant, l'être humain a tendance, dans sa vie normale, en tant que personne, ces hommes et ces femmes, dans ce monde religieux, qui vont dans tous les temples du monde, dans toutes les façons, appelez-les comme vous voulez, baptiste, temple, église, ils vont prier, et la majorité d'entre eux autres, c'est pour être vus des hommes. C'est ce que j'ai toujours dit. Pensez pas que les petits hindous sont plus spirituels que les petits juifs. C'était le même problème avec eux autres. C'est le même problème avec les Québécois. On a tendance à vous déjà penser ça, des fois, vous priez, ou quelqu'un prie, mais il est en train de vous le dire à vous. C'est pas à Dieu qui s'adresse, ça s'adresse à le monde qui écoute. Ah! Dieu dit, tu voulais qu'il t'écoute? Il t'a écouté, ça n'a pas monté plus haut que le plafond. Je n'ai pas jamais fait ça, vous autres. Ben, moi j'ai déjà fait ça. Pendant que tu pries, je prépare ma prière. Vous avez déjà fait ça? Devant Dieu, c'est tellement con, si tu permets-moi l'expression. Tu n'as pas fait ma prière. Pourquoi je prépare ma prière? C'est pour que les gens qui sont là écoutent, là. C'est pas pour Dieu, là. Parce que chez nous, je ne prépare pas ma prière, je prie. Mais là, tu découvres en public, je me mets à... Comment je vais dire ça, là? Là, je me prépare. Puis là, je dis « Amen » à ta prière que je n'ai pas écouté. Puis là, je dis « Amen ». Jésus va s'adresser à ça ce matin. On va parler un petit peu de ça. Mais on va voir que la prière, pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, dans ce texte de Matthieu 6, on va voir que Jésus s'adresse à la prière. Matthieu 6, verset 5. Il va commencer par nous dire ce que la prière, ça ne devrait pas être. Après ça, il va nous dire ce que ça devrait être. Donc, pour moi, quand je lis ça, ce qui ne devait pas être, c'est ce que j'ai été. C'est ce que j'ai été, surtout en tant qu'inconverti. C'est au moins ce que j'ai été en tant qu'inconverti. Si j'étais des gens qui priaient en tant qu'inconverti, peut-être que vous allez vous voir facilement dans ça. Puis Jésus ici s'adresse, il veut que ses disciples apprennent à prier. Donc, lui, il sait comment il prie déjà en tant que juif. Donc, il va leur dire, priez pas comme ça, mais priez plutôt comme ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est quoi ça, un hypocrite? C'est quoi ça, un hypocrite? Le mot dans la langue originale, dans le grec, c'est comédien. C'est quelqu'un qui fait une comédie. Il donne une apparence qu'il n'est pas intérieurement. Il laisse voir des choses. Comme un comédien, il joue un rôle. C'est pas ça, c'est pas lui ça. Mais il joue un rôle. Puis il dit ne soyez pas des comédiens. Là, ça fait un peu plus drôle quand on lit ça dans ce mot-là. Ne soyez pas des comédiens qui aiment prier debout devant les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils veulent être vus des hommes. Et une des choses que j'ai découvert en étudiant le sujet de la prière, c'est que Dieu, lui, pour la prière, pour lui, c'est un temps d'intimité. C'est un temps d'intimité avec quelqu'un. Dieu veut qu'on prie puis qu'on oublie ceux qui sont autour de nous, autant qu'il est possible. Il va nous dire, rentre dans ta chambre. Il n'est pas en train de nous exclure de prier dans l'église. Mais il dit, quand tu pries dans l'église, prie comme si tu étais tout seul dans ta chambre. Prie comme si tu étais tout seul dans ta chambre. Ne te soucie pas de ce que Joe Blow pense de ta prière. Ne te soucie pas de voir s'il va dire, amen, ah, ouais, c'était bon ça, il a bien prié à matin. Ne te fais pas de soucis pour ça. Essaye de prier comme si tu étais tout seul dans ta chambre. Et tu vois, ça va être bien plus simple, souvent bien plus court. On va voir ça. On va voir d'autres choses. Mais il dit, pour Dieu, il dit, prie pas pour être vu des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que Dieu veut, c'est l'intimité. Donc la prière, c'est quelque chose d'intime, quelque chose qui se passe entre deux personnes. Vous dites, Dieu n'est pas contre qu'on prie en groupe. Je crois que ce qu'il veut, c'est que ce soit entre moi et lui que ça se passe. La prière, ce n'est pas... on a, nous autres, malheureusement, en tout cas, moi, j'ai été élevé, comme je disais l'autre fois, malheureusement que la prière, c'était une relation entre moi et un morceau de plâtre. Ou entre moi et une image. C'était pas intime. Dieu, il est plus intéressé à toi qu'à ce que tu vas lui dire. Retenez ça. Dieu est plus intéressé à toi qu'à ce que tu vas lui dire. C'est comme des fois, le fait que quelqu'un soit avec toi, c'est suffisant. Il pourrait se fermer la trappe, ça serait correct pareil. Nous, est-ce qu'on recherche, premièrement, dans la prière, l'intimité avec quelqu'un? Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Parce que pour moi, avant que je fasse ces recherches-là, ma vie de prière, c'était pas ça. Je ne cherchais pas une intimité avec la personne de Dieu, mais j'avais quelque chose à dire à cette personne-là. Je voulais parler à cette personne-là, je voulais lui confier des besoins à cette personne-là, mais je n'étais pas soucieux de la personne à qui je m'adressais. Comme Daniel, tout à l'heure, j'ai lu, « Par amour pour toi, Seigneur, pour ton nom à toi, si je me soucie de toi. » Quand Moïse parle à Dieu, il dit, « Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres de toi? » Mais Dieu, il ne se soucie pas de lui. Il se soucie de... Qu'est-ce que les gens vont penser du gars à qui il s'adresse, qui est Dieu? Mon ami, que ça fait une différence. C'est pas partout pareil, l'affaire. C'est pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez manger avec, vous allez passer une soirée avec, et quand vous en allez chez vous, vous vous dites en vous autres, il se foutait bien de moi, et tout ce qu'il voulait, c'est de me dire quelque chose. Il ne m'a pas écouté. Je ne me suis pas rendu compte qu'il se souciait de moi. Il n'a jamais vécu ça. Je vous je peut-être jamais dit ça ici, mais une fois que j'avais interrogé les inconvertis, ils m'avaient même dit ça à nous. Ils disaient, vous autres les évangéliques, les chrétiens, vous vous souciez pas de nous. Vous avez quelque chose à nous dire, venez nous le dire, mais vous vous souciez pas de nous. Vous n'êtes pas intéressés à nous. Si on ne s'intéresse pas à vos affaires, vous nous mettez de côté, vous allez en avoir un autre. Vous ne vous souciez pas de nous. Vous n'êtes pas intéressés à nous. Ça fait partie de l'être humain, ça. L'être humain pécheur. Et ça se reflète dans notre vie de prière aussi. Dieu dit, moi, je veux avoir de l'intimité avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Et moi, en tant que personne, je devrais aussi me soucier de la personne avec laquelle je vais aller passer une heure ou deux heures dans la prière. Est-ce que je me soucie de Dieu? Des fois, je me lève le matin, puis une des premières pensées que j'ai, je me dis, moi, ça va, Seigneur, un matin. Moi, ça va, toi, un matin, Seigneur. Il y a toujours la même réponse. Ça va bien. Puis là, je me dis, si ça va bien pour toi, ça va bien pour moi. Est-ce que je me soucie, là, je fais un petit exemple, là, mais est-ce que je me soucie de Dieu? Est-ce que je vais avoir de l'intimité avec lui? C'est ce que j'ai trouvé le plus frappant dans le Nouveau Testament au sujet de la prière. Jésus était très intime dans la prière avec son Père. Puis on voit que Jésus avait un souci pour Dieu, et non pas, premièrement, pour lui. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure, il va dire, pas ma volonté, ta volonté. Mon souci, c'est que ce que tu veux se fasse. C'est ça mon souci. Voyez-vous, il se souciait de la volonté de l'autre, et non pas de la sienne. Donc, il veut de l'intimité. L'intimité. Donc, si la prière, c'est d'abord un temps d'intimité avec une personne, donc, ce temps-là que je vais avoir est relié directement avec quelle connaissance est-ce que j'ai de la personne. Plus je connais la personne, vous allez être d'accord avec moi, plus l'intimité va être profonde. Hein? Si je vous rencontre une fois par mois le dimanche, je vais dire quoi? Bonjour, ça va, il fait beau hein, aujourd'hui, il fait comment pas mal froid, là, hein? Ça va pas m'arrêter là. Pas mal mal. Mais si je te rencontre à tous les jours, ben on va t'écœurer de parler de la température à un moment donné, là. Puis on va aller comment ça va avec tes enfants, là. Puis là, on va commencer là, on va aller plus loin. Plus je la connais, la personne, plus l'intimité devient profonde. Puis elle devient intéressante. Cette intimité-là. Donc, cette intimité-là hein, va se jouer sur la connaissance que j'ai de la personne. Et donc, plus je vais vieillir dans ma foi, plus ma connaissance de Dieu va grandir, plus l'intimité va devenir intéressante. Si notre vie de prière n'est plus intéressante et stimulante, c'est peut-être que notre maturité, notre connaissance de la personne à qui j'ai cette intimité-là ne grandit plus. C'est devenu stagnant. Ça n'arrive pas dans vos couples, ça? Ça arrive dans le mien. On s'assit, on regarde un film. Parce que tout d'un coup, on n'a plus rien à se dire, on se connaît, qu'on pense. Là, je la connais, ça 30 ans que j'étais avec. L'intimité va se développer en autant que ma connaissance de la personne va s'approfondir. Mais là, pour que cette personne-là, ma connaissance de Dieu, s'approfondisse, il faut que je l'écoute, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me dise de quoi, hein, parce que je veux le connaître. Moi, je vais vous dire une chose. Avant d'ouvrir la bouche dans la prière, il faut faire sûr qu'on connaît bien la personne à qui on s'adresse. Il est plus important de connaître la personne à qui vous allez parler que de parler. Nous, dans notre tête, la prière, c'est on a nos listes, on les dit, on les répète. Jésus, arrête. Moi, j'ai été élevé comme ça. Plus t'en disais, plus t'étais spirituel, et mieux que c'était. C'est pas pour vous autres, là. Mais quand ça allait mal, on faisait un chapelet. Quand ça allait très mal, on en faisait trois. C'est la prière, dans mon vécu à moi, là. c'était je dis quelque chose à quelqu'un. Je dis quelque chose à quelqu'un. Mais je dirais que la prière, c'est premièrement, on devrait écouter cette personne-là avant de lui parler, avant de lui dire quelque chose. Si vous venez me voir, vous commencez à me parler de paquets d'affaires, vous ne me connaissez pas, je vais vous dire, j'aimerais bien, mais je ne suis pas capable de faire ça. Tu ne me connais pas. C'est pour ça que si tu m'avais connu, tu ne m'aurais pas demandé. Hein? Si tu veux faire réparer ton char, va voir Richard. Mais pas voir François. Si tu viens, il va dire, ah, on fait comme j'ai fait la dernière fois que je suis venu. Mon char est en panne dans le parking, puis. Bon, je peux peut-être te dire le capot. Là, je regarde, je ne connais rien, fait que je referme le capot. Je connais rien. Fait que si tu viens me voir, François, veux-tu m'aider à réparer mon char? Et tu peux dire, 2 semaines de temps, 24 heures par jour, ton char ne sera jamais réparé. Mais je ne connais pas ça. Et des fois, avec Dieu, on commence à lui parler, puis on lui dit pas quelle affaire. Mais ça aussi, c'est arrêter pour l'écouter avant. Peut-être qu'on n'allait même pas demander. On allait dire, oh non, ça, Dieu, c'est pas ça. Dieu veut pas ça. Dieu, c'est pas ça comme ça. C'est pas comme ça qu'il pense. C'est pas ça, je sais que c'est pas ça qu'il veut. Il aime pas le bleu, donc je lui demanderai pas s'il va avoir une couverte bleue. Je sais qu'il aime pas le bleu. Je lui demanderai pas. L'intimité. Ici, si la vie de prière, c'est premièrement de l'intimité, ça va devenir très particulier à chacun de nous. Notre vie de prière sera jamais comme celle d'un autre. Jamais. Parce que dans mes relations avec mes enfants, avec mon épouse, c'est très particulier à François Nolette. Il n'y a pas d'autre. Qui ont une relation comme moi. C'est parce que je suis un être unique, moi. Vous êtes aussi. Donc, ça veut dire que ma vie de prière va être très particulière à moi. Je vais dire une chose. Si tu es un introverti et que tu dis 3 mots dans une veillée avec ta femme, tu vas probablement dire 3 mots à Dieu dans ta vie de prière aussi. Puis je vais dire quelque chose. C'est correct. C'est correct. Parce que ta vie de prière devrait refléter toi, dans ta personnalité, dans ton caractère, et non pas le pasteur qui a une grande gueule qui parle pendant 3 heures sans arrêter. Moi, j'ai écouté des gens qui prient des fois, pendant 5 minutes, ils vont une belle grande prière, 10 minutes, je dis amen, c'est bon, puis je m'en vais masser pour manger, puis ils continuent, c'est des gens qui parlent tout le temps. Parce que leur tempérament, c'est, ils sont très expressifs, puis ils disent, il n'y a pas qu'à l'affaire. Puis, des fois, je dis à mon chum avec lequel je vais souper, il va se reconnaître parce qu'il va écouter le sermon, je sais. Il va se reconnaître. Et on dit tout le temps, une histoire courte, Gaétan. Fais une histoire courte avec ça, Gaétan. Parce que lui, mais je suis certain, quand il prie que le Seigneur, il fait toujours des grandes histoires. C'est sa personnalité qui est comme ça. Puis c'est correct. Oh, il est patient. Puis, il pas juste patient, je dirais, il l'aime parce qu'il l'a fait de même. C'est correct. Mais si moi, je pense qu'il est plus spirituel parce qu'il en dit long, je vais essayer de l'imiter. Mais moi, j'ai juste 3 mots que je dis, moi. Fait que j'ai l'air fou, là. Moi, j'ai entendu combien de chrétiens, je voudrais dire, je ne sais pas combien de chrétiens sont venus me voir qui m'ont dit, moi, je suis pas capable de prier comme les autres prient. Je prie pas en assemblée parce que je suis pas capable de faire comme les autres, de prier comme les autres. Les autres ont des belles prières, des belles grandes prières. Vous savez comment c'est ça? Ils essayaient de prier comme les autres. C'était plus d'intimité, là. Ils essayaient d'être comme l'autre. Non, frère et sœur. Il faut être soi-même avec le Seigneur. Il faut être soi-même. Rentre dans ta chambre, tout seul, ferme la porte, puis prie. Comme tu es. Une grande gueule, vas-y avec ta grande gueule. Que tu es un introverti, vas-y avec ton introverti. Tu as un langage de campagnard, vas-y avec ton langage de campagnard. Tu es un docteur, vas-y avec ton langage de docteur. C'est pas grave. Vas-y comme tu es. Vas-y comme tu es. Parce que l'intimité, ça, je pourrais dire que ma femme me connaît, vous allez dire c'est bien normal, plus que toutes vous autres, hein, c'est bien normal. En tout cas. Des fois, elle dit, ah, je savais pas ça. Moi, tout, des fois, je dis, ah, je savais pas ça. Après 35 ans, je savais pas ça. On en découvre tout le temps, hein, c'est normal. Ça réfléchit. Bon, des fois, ça défraîchit. Des fois, je dis, j'aurais peut-être mieux pas le savoir. En tout cas. Mais vous savez que l'intimité, C'est ça que Dieu recherche. Je me soucie de la personne avec qui je suis et je m'approche de lui comme je suis. Avec mes talents, mes capacités, mes dons, mes faiblesses, mon caractère, tout ça. Et ça va tout. Même les dons que Dieu vous a donnés, ça va se refléter dans votre vie de prière. Si je n'ai pas le même don que vous, donc ma vie de prière ne sera pas de la même façon que la vôtre. Je n'aurai pas les mêmes intérêts que vous. Parce que je n'ai pas les mêmes talents. Dieu ne m'a pas donné les mêmes talents, les mêmes dons. Donc, dans l'intimité, ça joue, cela, non? Nous avons tendance à faire de la liturgie. Donc, on apprend des prières. On dit qu'on ne dit pas de chapelet, mais on en a des petits chapelets baptistes. On a nos petites phrases toutes préparées qu'on dit en public. On a nos petites lignes là, qu'on veut faire. Mais dans l'intimité, ça ne devrait pas être de même. Il y a un de ceux-là que vous pourriez avoir un bel exemple de ça. C'est David. Quand vous lisez les psaumes, vous avez un homme transparent. Vous voyez un homme que moi je ne prierai jamais comme David. C'est un poète, le gars. C'est un musicien, c'est un artiste. Et c'est un gars qui a un tempérament qui n'est pas le mien. Moi, je suis un comptable de métier. Donc, moi, c'est tout écoré. Tout est chiffre en ligne. Tu sais, moi, je suis comme ça. C'est mon tempérament. Donc, mes prières sont en ligne. Sont corées. Parce que c'est dans mon tempérament, je suis comme ça. Mais David, lui, il parle avec des chants, puis il compose de la musique, puis il prie Dieu d'une façon que moi, je ne ferai jamais. Puis regardez bien comment est-ce qu'il est intime avec Dieu. Il parle de ses pleurs, de ses cris, il dit qu'il n'en dort pas. Il est vraiment intime avec Dieu. C'est pour ça qu'on aime lire les psaumes. Ce n'est pas de la liturgie. Vous en lisez 150, c'est pas tout David, mais c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. À un moment donné, il est dans la guerre, tu lis le psaume, tu lis la prière qu'il a faite, le psaume, tu sens qu'il te le dise, tu sais qu'il est à la guerre. D'autres fois, il est dans son lit, et tu sais dans la prière qu'il fait qu'il est dans son lit. Des fois, tu lis, tu écoutes la prière, et tu dis, mon ami David est joyeux. Des fois, tu lis l'autre prière, mon ami est dépressif. Parce que c'est ton intimité qu'il disait devant le Seigneur. C'était pas une liturgie du dimanche matin. C'était pas, je vais dire toutes mes petites prières que je dois prononcer, que je dois dire à tous les jours, là, parce que Dieu va finir par y répondre. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. C'est de l'intimité. Rappelez-vous de ça. Dieu est plus intéressé à vous qu'à ce que vous allez dire. Et nous, on devrait être plus intéressé à lui qu'à ce qu'on va demander. Ça change. Après ça, la vie de prière change au complet. Change au complet. Je m'intéresse à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu veut de moi le matin? J'ai dit ça à un inconverti un jour. T'es-tu déjà mis à genoux pour demander à Dieu quoi? Qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses? Il m'a dit non. Mais j'ai dit, tu ne seras jamais sauvé. Parce que tu étais créé pour servir Dieu et tu ne veux pas le savoir. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Il s'est converti. Bon, j'ai dit d'autres choses après, là, mais il s'est converti. C'est ça qui a enclenché le processus. Il dit, j'ai 49 ans et j'ai jamais dit à Dieu dans une prière, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? J'étais toujours en tête d'y demander quelque chose. Je me mettais à genoux pour lui demander quelque chose. L'intimité. Continuons à lire. Il dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les... » Des non-croyants, hein? C'est ce qu'on pense ici. Là. « Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Wouhou! Si tu viens me parler et que tu sais que je sais ce que tu vas me demander, ça ne prendra pas 3 heures. Tu vas dire quoi? Tu sais de quoi je veux te parler, hein? Parce que tu sais que je sais. Tu sais que je sais. Des fois, on entend des prières et on dirait que les gens informent Dieu de quelque chose. Comme si Dieu ne le savait pas. Nous, tu dis, Dieu, tu savais. Mais souvent, c'est parce qu'ils sont tentés d'informer le monde alentour d'eux autres de ce qui s'est passé. Don Carson, pour ceux qui le connaissent, m'impressionne, c'est un de nos théologiens les plus éminents sur la planète présentement. Puis quand il prie, là, c'est short and sweet. Il est un introverti, là, je vous dis aussi. Là. C'est short and sweet. Il est avec 3000 personnes, puis au-dessus de 5000 personnes. Il va faire une prière avant de prêcher, puis ça va durer à peu près 5, 6, 7, 8 secondes. Écoutez John Piper. John Piper est extraverti. Lui, il prie, puis ça dure 5 minutes. Puis il prie. Il ne sera pas plus exaucé que Don Carson avec 5 secondes. C'est juste deux personnalités différentes. Mais ici, ce que Jésus reproche, ce n'est pas de parler beaucoup ou de ne pas parler beaucoup. C'est de croire que parler beaucoup va avoir plus de réponses. OK? On croit qu'à force de paroles, qu'à force de répétitions, on va être exaucé plus. Dans la langue originale, ici, il dit, ne croyez pas, ne faites pas comme les païens qui, à force de, et la langue dans l'original, c'est à force de bla, bla, bla, bla, bla. C'est ça que le mot dit dans l'original. À force de bla, bla, bla, bla, bla, ils pensent qu'ils vont être exaucés plus. Non, il dit, ton père qui est dans le ciel, celui que tu écoutes, celui avec qui tu es intime, il est pas sourd, il sait tout ce qui se passe, il sait avant que tu vas le dire, il sait ce que tu veux, il sait ce que tu as besoin. Pourquoi est-ce que tu répètes si souvent et pourquoi tu fais de si longues prières quand il sait déjà? Parce que tu crois que tu vas être répondu. Vous avez été peut-être élevé comme ça aussi. Que si vous répétez votre prière 5 fois, vous avez peut-être répondu plus souvent que si vous la répétez avec une fois. Moi, j'étais élevé comme ça, en tout cas. Demande-les tant que tu ne l'auras pas. Vas-y, go, go, go, go, go, go, go. Puis Dieu dit, mais je ne suis pas sourd. Mais je ne suis pas sourd. Je sais, tu me l'as dit. Pourquoi tu me le répètes 10 fois? Tu me l'as dit, je sais, j'ai compris. Où est-ce qu'on a pris l'idée que si on répétait souvent et longtemps la même prière, qu'on serait plus exaucé? Où est-ce qu'on prend l'idée? Jésus nous dit, faites-le pas! Faites-le pas! Faites pas ça! Croyez pas que, à cause du j'allais faire de longues, puis que j'allais répéter souvent, que j'allais être répondu. Tu peux en faire des longues. Mais c'est pas à cause qu'elle est longue qu'elle va être répondue. Elle peut être courte, elle va être répondue pareil. Je peux dire, Seigneur, j'aimerais que tu sauves mon voisin. Ou je peux dire, Seigneur, tu connais mon voisin, j'ai parlé de toi, et il aime ça lire la Bible, comment c'est lire la Bible, je peux en remettre, ça fait 10 minutes que je prie, puis l'autre au côté, il dit, sauve-le, puis c'est la même affaire. Puis on t'a demandé la même chose. Tu veux que Dieu intervienne dans sa vie pour qu'il se convertisse, c'est tout. Mais il dit, crois pas que si tu en as dit long, si tu en as dit long, vas-y. J'ai du temps. Puis mes oreilles sont juste pour toi. Hein, vous avez pensé ça? Quand vous priez, les deux oreilles de Dieu sont juste pour toi. Même si elle m'écoute 7 milliards en même temps. Ces deux oreilles sont juste pour toi. Il dit, vas-y mon gars, tu peux y aller longtemps si tu veux, et mes oreilles sont juste pour toi, mais ne crois pas que si tu m'en fais pendant une demi-heure, ça va t'exaucer plus. Ne crois pas ça. Ça peut être juste 5 secondes, ça va être bien pareil. Ça va être bien pareil. Puis la répétition, il dit, ne répétez pas comme les païens qui pensent que... Non, non. Vous me le dites juste une fois, ça va faire. On va voir tout à l'heure pourquoi. Moi, personnellement, si tu me demandes de prier pour quelque chose qui va avoir dans un mois, je vais pas prier tous les jours pendant un mois. Je le fais pas. Je le fais pas. Parce que je crois pas, personnellement, que ça va changer quelque chose si je le dis à Dieu 30 fois. Si je l'ai dit une fois, je pense que ça va faire. Je crois que c'est nous autres qui pensons ça, parce que vous avez déjà fait ça avec des enfants, les enfants ils viennent te demander quelque chose, maman, papa, là tu dis, là il revient, ça veut dire, maman, papa, papa, maman, puis quand ça fait 10 fois, ok, tu vas l'avoir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu ne vas pas l'écœurer assez longtemps pour qu'il te le donne finalement. Non, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas mal plus patient que vous autres. Il y a du temps. S'il ne vous le donne pas, s'il ne veut pas vous le donner, ce n'est pas à cause de la répétition qu'il va vous le donner. Vous savez, quand l'apôtre Paul il dit, ça fait 3 fois que je te demande quelque chose, puis je n'ai pas eu de réponse. Il était impressionné par le fait qu'il avait demandé 3 fois. C'est comme s'il n'était pas habitué de demander trois fois. Ça fait trois fois, je te prie, Seigneur, que finalement, Dieu dit, tu ne l'auras pas. Il dit, oh, correct, Seigneur, j'accepte ça. Je ne l'aurai jamais. J'accepte de vivre avec mon écharpe dans la chair. Mais lui, au bout de trois fois, il a fini par comprendre que Dieu dit, tu ne l'auras pas, mon Paul. Tu ne l'auras pas. Tu vas mourir avec ton écharpe dans la chair. Il n'a pas dit, ben, je vais continuer un autre trois ans, peut-être qu'il va se tarir, il va finir mal donné. Non, il dit, j'ai arrêté. Il dit, c'est pas la répétition qui fait que je vais te le donner. Moi, je veux de l'intimité. Des fois, j'ai déjà dit, si je rencontre ma femme, que ma relation avec ma femme est comme celle que j'ai avec le Seigneur, elle va dire, mais t'es-tu plate? Tu me dis la même chose tous les soirs. Ça me dit, fois, tu me la demandes, je t'ai dit non à chaque fois, pourquoi tu continues? Puis Dieu, je pense qu'il est comme ça. On dit, ça fait 20 fois, ça fait 30 fois, ça fait 50 fois qu'on dit non. Puis Dieu dit, je t'ai dit non, ça va être encore non. Faites attention si vous demandez trop longtemps. Il peut vous dire oui, puis ça va être malheur. Alors, connaissez-vous quelqu'un d'arrivé comme ça? Le monsieur avec son âme, là. Dieu dit, non, je ne veux pas que tu ailles là. Il revient le lendemain, Seigneur, voudrais-tu que j'y aille? Je veux y aller, vas-y. C'était son malheur. Quand Dieu ne nous donne pas, là, c'est peut-être une bien bonne raison, vous savez. Bien bonne raison, vous savez. Mais il dit, ne crois pas qu'à force de paroles ou de longues paroles, je vais te répondre. Vous vous souvenez de l'histoire de Élie sur le mont Carmel? C'est-tu Élie ou Élisée? Pense à Élie. Ça ne change pas pareil, là, l'enseignement. Élie ou Élisée. À un moment donné, il se ramasse sur le mont Carmel parce que Israël est en branle entre Dieu comme Dieu et Baal puis Astarté comme Dieu. Fait que là, ils sont un peu en ils ne savent pas quel Dieu prier finalement. Fait qu'ils montent sur le mont Carmel, puis Élie dit, OK, on va savoir qui est Dieu. On va voir qui est Dieu. Fait qu'il dit au prophète d'Astarté, les Baals, faites-vous un autel, faites-vous un autel, mettez un animal dessus, puis priez votre Dieu Baal qui fasse descendre le feu du ciel et qui consomme l'offrande. Puis moi, je vais en faire une autre offrande sur l'autre bord, puis je vais prier mon Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. On va voir qui va répondre. Vous savez, Baal, c'était le dieu de la foudre. Fait que c'était pas pour rien qu'il dit ça, là. Demandez Baal qui envoie le feu du ciel, vous dites que c'est le dieu de la foudre. Envoyez, demandez-le. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, hein? Notre gang, toute la journée, mon gars, il était à toute la prière, puis prière, puis prière, puis se coupait, puis faisait n'importe quoi pour que le Baal finisse par envoyer le feu. Mon Élie est au côté, puis il se moque d'eux autres. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est parti en vacances. Il continue, puis il dit toute la journée, puis finalement, le feu n'a jamais descendu sur l'autel. Et il dit à mon tour. Et si vous lisez la prière que faites, ça a duré à peu près 15 secondes. Et bam! Le feu est descendu, les pierres ont été brûlées, l'eau a été brûlée, 15 secondes. Pas besoin d'avoir fait une longue prière. Ça ne faisait pas 6 mois qu'il priait pour le tuer, là. Il a prié, il a dit Dieu, ah ouais, la faute, puis pouf! C'est fini. C'est ce que Dieu voulait faire. Fait qu'il l'a fait. Et je ne crois pas qu'à force de longues prières, Dieu n'est pas un Dieu sourd. Il dit, je sais tout. Je sais tout. Je sais avant que vous le dites. Donc, on devrait se rappeler ça quand on s'approche de Dieu dans la prière. Celui à qui je vais parler connaît toutes les situations de ma vie. Il connaît tous les gens que j'ai à qui je parle. Il connaît mes enfants mieux que moi. Il connaît mon épouse mieux que moi. Il connaît mon état d'âme plus que moi. J'ai pas besoin de... Je pense que des fois, on fait de la thérapie psychologique pour nous-mêmes. Ça nous fait du bien de le dire. C'est correct. Si ça vous fait du bien, dites-le. Mais ne croyez pas que ça va vous donner un exaucement plus. Ça ne va pas vous donner un exaucement plus. À ce que j'ai cherché dans la vie de Jésus, si on voyait Jésus pendant son ministère, s'il répétait les prières qu'il faisait, vous n'en verrez pas. Il priait quand il était rendu là. Quand il était rendu dans sa vie, à un moment donné, quand c'était le temps de prier parce qu'il voulait aller mourir sur la croix, il a prié le même soir, Seigneur, donne-moi la grâce d'aller jusqu'à la croix. Il n'a pas commencé à prier 3 ans avant, en tout cas, je ne vois pas dans la Bible. Quand il dit, si on tourne encore dans Matthieu, Il dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Et il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est la chose qui dit, quand tu vas prier, tu t'adresses à ton Père. À ton Père. Tu ne t'adresses pas à quelqu'un d'autre. Donc, ça présume quoi? Qu'il est notre Père, quelque part, hein? S'il n'est pas notre Père, on ne peut pas s'adresser à lui. Mais si, il doit être notre Père. Sans ça, oh, c'est pas valable. Donc, il dit quand tu t'en. Mais pour vous autres, le mot le Père, qu'est-ce que ça reflète? À quoi vous pensez quand vous pensez au mot Père? Quelle image vous vient dans l'esprit, le mot Père? OK? À quoi vous pensez? Protecteur. Protecteur. Mon papa, c'est mon papa. Une relation particulière. Je J'essaie de trouver un mot. Une relation privilégiée. Privilégiée, oui. C'est quand même l'autorité. Oui, il y a le sens de mot autorité, puis il y a le sens aussi de mot d'amour, de protection, de privilégié, intimité, tout ça, ça va ensemble. Là. Mais dis quand aujourd'hui, tu demandes aux enfants, le père, ça n'a pas grand pouvoir. C'est un pourvoyeur. C'est lui qui achète le Nintendo. C'est lui qui loue les films. C'est lui qui paye les affaires. Mais il n'a pas grande autorité. Moi, je me souviens chez nous, quand on était dans la famille de ma mère, on était. Mes grands-parents ont eu 21 enfants vivants. Ils ont tous été vivants en même temps. Puis ils ont tous eu 10, 12 enfants. Fait que quand on se rencontrait au jour de l'an, il y avait du monde. Mais quand ma grand-mère servait le repas, elle prenait la première assiette avec le meilleur morceau, puis elle mettait ça devant mon grand-père. Ça m'en disait beaucoup, ça. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On sort les enfants avant. Ça nous en dit beaucoup, aussi. Quelle autorité qu'ils ont, quelle place qu'ils ont dans la hiérarchie familiale. On sort les enfants, puis quand ils sont tous bien servis, là, on mange et on reste. Ça, c'est pas peut-être la meilleure manière de leur montrer où est-ce que ça se situe, l'affaire. Mais quand on s'approche de Dieu, nous autres, il faut se rappeler ça. Le Père, dans la Bible, il est au-dessus de tout le monde. Même quand les enfants étaient mariés, même quand il y avait beaucoup d'enfants, le Père restait toujours le Père de toute la tribu. Il approchait le Père avec une intimité, mais aussi avec une autorité valable. Et c'était lui que tu t'approchais avec un souci de cette personne-là en même temps. Faut pas oublier ça. Dans la tête, le mot père, c'est, ben, je suis son enfant, donc je rentre et je fais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, n'importe comment. C'est mon père, après tout, je vois. On pense, c'est vrai, je peux rentrer dans la présence de Dieu, je suis son enfant. Mais attention, il est aussi notre Dieu et notre père. Je sais pas, j'ai déjà compté un rêve que j'avais fait. Si oui, ben, faites semblant que vous ne savez pas. Oui, faites des comédiens. Il dit, j'avais rêvé que je m'en allais dans la présence de Dieu. J'étais mort, je m'en allais dans la présence de Dieu. Et j'arrive devant les grandes portes dans le ciel, puis là, j'ouvre les portes en courant, puis moi, je rentre. Puis je m'en allais vers Dieu en courant. Papa! Puis là, Dieu me regarde, dit, t'oublies-tu de où est-ce que t'es? Retourne au bord des portes, puis rentre ici d'une façon digne de où est-ce que tu es. J'ai sorti, j'ai rentré, j'ai fait mes 4-5 genuflexions, et là, je me suis assis sur le genou, je lui ai dit, papa, je peux-tu te demander quelque chose? Il dit, bien sûr. Mais il dit, n'oublie pas que quand tu rentres ici, tu rentres aussi devant Dieu. C'est devant Dieu, là, tu rentres ici. Hein. N'oublie pas ça. Mais des fois, on rentre comme si c'était notre chum. C'est vrai que c'est notre chum, mais en même temps, il est Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Fait quand on rentre, peut-être que ce serait mieux de faire quelques courbettes avant. Quelques louanges, quelques adorations. Peut-être que je ne devrais pas oublier, du moins, à qui je m'adresse. À qui je m'adresse? Je m'adresse au Créateur des cieux et de la terre. Pfff, on l'a chanté tout à l'heure. Il est Seigneur. C'est vrai, il est Seigneur. Et tu ne te présentes pas devant un Seigneur en pyjama et en criant n'importe quoi. Ah, ouais, fais attention si tu vas en pyjama, mais prends le temps. Prends le temps d'y signaler que tu comprends qu'il est Seigneur. Parce qu'il dit, Père dans le ciel. Et si vous faites l'étude du mot Père dans l'Ancien Testament, c'était un des mots les plus majestueux presque qu'il n'y avait pas. Quand tu disais à quelqu'un, il est mon Père, c'était quelque chose de ouh! C'est pour ça que Jésus va dire, n'appelez personne votre Père. Parce que c'était pas juste mon papa, là. C'était quelqu'un de très haut placé, c'était l'autorité suprême. Fais attention, dit quand tu te présentes devant moi, n'oublie pas, t'es mon enfant, je suis prêt à t'écouter, mais n'oublie pas qui je suis. N'oublie pas qui je suis. Il est déjà midi. Je vais terminer avec du pratico-pratique. On va finir les autres semaines. Je ne finis pas pour Noël, mais on finira à Noël prochain. Quand vous priez, je vais donner un petit truc. Je ne sais pas comment vous faites ça, vous autres. Mais moi, là, quand j'ai commencé à renouveler ma vie de prière, je peux dire ça comme ça, je faisais des choses un peu tata. Je prenais une chaise vide, puis je la mettais là, puis moi, je me suis assis sur l'autre chaise. Puis je disais, Seigneur, il faut que je réalise que tu es assis là, là. Je m'adresse à une personne, moi. Je m'adresse pas à une statue. Je m'adresse pas à un bout de bois. Tu es là devant moi, et je veux parler avec toi. Je veux avoir du temps avec toi. Puis j'ai dit, avant que je te parle, j'aimerais que tu me parles. Fait que, qu'est-ce que je faisais à vous penser? J'ouvrais ma Bible. Je lisais, où est-ce que je t'ai rendu? Puis là, je disais, Dieu, qui est assis sur la chaise, là, me parle. Il me dit, là, je disais mon chapitre que je t'ai rendu. Dieu me dit ça un matin. C'est à moi qu'il dit. Et là, moi, assis sur ma chaise, je répondais à ce qu'il venait de me dire. Il y avait une communication entre moi et lui. C'est pas, je lis ma Bible, comme ça. Il me dit, aime ta femme, je sais pas quoi, moi. Puis là, moi, je dis, non, Seigneur, j'aimerais qu'il fasse bon parce qu'on va faire la pique-nique, là. Non, c'est pas ça que je viens de te parler. Réponds-moi à ce que je viens de te dire. Je viens de te parler, je viens de te dire des choses à mon sujet. Je viens de te dire des choses par rapport à ce que moi je veux faire aujourd'hui. Je t'ai révélé mon plan pour l'humanité. Je t'ai révélé le plan pour l'Église. Je sais pas comment est-ce qu'on peut voir ça. Puis il dit, réponds-moi selon ce que je viens de te dire. Et savez-vous que c'était intéressant? À chaque matin, ma prière, c'était jamais pareil. Parce que j'ai ramené le même texte. Un matin, quand il me parlait, l'homme d'aimer sa femme, comme Jésus a aimé son Église, ben là, je m'arrêtais là-dessus. Puis je passais une petite demi-heure à prier là-dessus. Seigneur, j'aime pas tout le temps ça, quand elle fait de la soupe comme ça, puis Seigneur, j'aime pas ci, puis Seigneur, j'aime ça, puis Seigneur, j'aime pas ça, Seigneur, aide-moi, puis Seigneur, elle m'a fait de quoi hier, puis j'ai bien de la misère à lui pardonner, puis j'ai pas envie d'y pardonner, puis j'ai pas envie d'en parler, mais je sais bien que tu voudrais que j'en parle. Puis là, il y avait une discussion, là, avec le gars qui était assis sur la chaise, là. Ça, c'était ma demi-heure de prière. Je me levais, j'allais voir ma femme, puis je parlais. J'avais rien fait d'autre dans ma prière de cette journée-là. J'ai fait juste ça. Mais mon ami, c'était vivant. C'était une relation intime avec quelqu'un. Il venait de me parler et j'avais répondu. Il dit, tu m'as demandé ça, Seigneur? Mais je ne suis pas capable, mais j'aimerais avoir les outils que j'ai besoin pour aller le faire. Et là, j'y demandais. Seigneur, j'ai besoin de compassion. J'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'être capable de pardonner. Tu sais que je ne suis pas capable, mais veux-tu m'aider, s'il vous plaît? Puis là, je lui parlais de ce que lui m'avait parlé. Je ne sautais pas du coq à l'âne, puis faire le tour de la paroisse, puis de la ville, puis du Québec, puis de l'Afrique, puis tout ce que tu voulais. Il me parlait. Pourquoi je ne répondrais pas? Si vous lisez un passage de la Bible, moi, je vous encourage, arrêtez-vous et dites, qu'est-ce que Dieu vient de me dire à moi? Ça peut être juste une révélation de l'humain. Il peut t'avoir dit, je suis tout puissant. C'est ça que le texte disait ce matin. Et vous arrêtez là-dessus. Vous commencez par le louer, le remercier. Et vous commencez à lui dire quel impact ça a dans votre vie, de votre vie, de savoir qu'il est tout puissant. Et là, tu as une relation avec quelqu'un. Il te parle, tu lui parles. Il te parle, tu lui parles. Et c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. L'intimité. Il dit, quand tu rentres, tu viens me voir, rentre dans ta chambre, fais pas de grand flafla, viens me parler, n'oublie pas que je sais tout, n'oublie pas que je suis capable de tout, n'oublie pas que je suis le Père dans le ciel, et tu peux me répondre. Moi, je vous dis, souciez-vous de Dieu. Et ça va bien aller. Ça va bien aller. Je vous dis, ça va bien aller. Mais nous, on se soucie trop de nous, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on voudrait. De ce qu'on voudrait. Dieu, j'aimerais ça que tu fasses ça avec ma fille, j'aimerais ça que tu fasses ça avec mon gars, j'aimerais ça que tu fasses ça avec mon patron, j'aimerais ça que tu fasses ça. J'aimerais ça que tu fasses. Soucie-toi de moi. Et tu vas voir ce que je vais faire pour la journée même. Soucie-toi de moi. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que Dieu... On va voir la prochaine fois. Dieu est un Seigneur. Il dit, je suis le Seigneur et Maître. Vous le dites bien, je suis. Mais ce Maître-là a un plan. Ce Maître-là a un projet. Est-ce que je veux rentrer dedans? Son projet? Ou si je veux qu'il rentre dans mes projets? C'est bien différent, hein? Bien différent. Connaissez-vous les projets de Dieu? Savez-vous qu'est-ce qu'il veut pour vous aujourd'hui? Il a vous demandé un matin, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi aujourd'hui? C'est quoi ton plan pour moi aujourd'hui? T'aimerais que je fasse quoi pour que ton nom soit glorifié? Pour que ton nom soit élevé? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Seigneur, pour toi aujourd'hui? Je pense que c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on se soucie de son nom. Et allez voir dans la Bible, vous allez voir, Dieu dit à Israël une fois, « Je vais faire quelque chose pour toi, Israël, mais j'aimerais que tu comprennes très bien que je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. » Et que ça nous met à notre place. Et que ça nous met à notre place, de créature. Il dit, « Je ne fais pas ça parce que tu as des beaux yeux, Israël. » Je ne fais pas ça parce que tu me l'as demandé, Israël. Je le fais par amour pour moi. Mon ami, que ça nous met à notre place. Hein? C'est lui le centre de l'univers, c'est pas nous. Et la prière, c'est un outil qu'il nous a donné pour participer à ce que lui est en train de faire. Et non pas pour lui qui fasse ce que nous on veut faire. Mais la prière, c'est un outil. François, je t'ai donné un outil pour que tu puisses participer à ce que moi je suis en train de faire dans le monde. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on dit souvent ça, notre Père, puis on ne pense pas toujours que ça a une connotation sublime. Ça veut dire que tu es le premier, tu es l'origine, tu es la raison d'être, tu es la cause de tout ce qui se passe. Et tu vis dans les cieux. C'est pour ça que tu dis tout de suite après, priez que mon règne vienne. Priez que ma volonté soit faite. Tu veux qu'on se soucie de ton règne, de ta volonté. Tu veux qu'on se soucie de toi bien avant de se soucier de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir nos temps de prière comme un temps d'intimité avec une personne qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Jésus. Enseigne-nous à prier. Afin que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.